Passif, ça t'ennuierait. Wow, wow. J'ai besoin d'aimer et de choisir, de t'appartenir et de te suivre. Ne pas être l'ombre, frivole de ton ombre. Vivre pour moi, c'est aimer. Une poupée de porcelaine, ce n'est pas ce qu'il te faut. Muet, discrète, craintif, passif, ça t'en. Deviner les inquiétudes que parfois tu voudrais me cacher. Par sollicitude ou par tendresse, par amour pour moi, je le sais. Chaque jour m'éveiller et me sentir protégée par ton temps.